ciné-club à la FAC, qui ont lieu les derniers lundis du mois. Donc je vous annonce au nom d'un partenariat UT FAC de droit les deux prochaines séances. Le lundi 16 février à 17h30, le film Just the Wind, qui est un film hongrois racontant des aventures, le mot n'est pas très bien choisi, de Rome en bruit, des difficultés pour des aventures. Ce film sera présenté par Ludovic, Ludovic Le Cattier, qui travaille notamment sur la Hongrie et Budapest. Donc, Just the Wind, c'est 17h30, lundi 16 février, faculté de droit, amphi-E. C'est libre, c'est gratuit, venez nombreux. Et puis, le lundi 16 mars, eh bien, à 17h30, amphi-E, au même endroit, on aura le plaisir d'avoir un film présenté par quelques étudiants de géographie ici présents. Et le film sera La Zona, film mexicain dont l'action, je ne vois rien du tout, mais dont l'action se déroule dans une enclave résidentielle, une propriété, une grande propriété. Donc voilà, retenez ces dates, c'est compliqué, cette mars, 17h30, en fil, faculté de droit, desservie par le tram, et encore une fois, venez nombreux. Et sur ces paroles, je la laisse. Alors donc, bonsoir à tous, nous vous souhaitons donc tous la bienvenue pour ce troisième Café Géo, organisé, donc, je ne sais pas si vous savez, depuis 2007 par la complémentarité de trois associations qui est l'Université Populaire de Tours, l'Association des doctorants en sciences sociales et humaines, ainsi que donc, Confluence. Les Cafés Géo donc, ont pour objet de décrypter les grands sujets de société à travers un regard géographique, en cultivant les esprits critiques. Donc nous aurons en premier temps un exposé avec le monsieur Pim Terminatien, ici présent, puis un débat avec le public suivi d'une collation. Donc la question de ce soir, c'est une géographie d'Internet est-elle possible ? Pourquoi cette question ? Eh bien parce qu'Internet crée des espaces virtuels et nous permet de communiquer à travers le monde. Tout en abolissant les distances. Donc nous avons donc une nouvelle relation avec le monde entier. Or, en tant que géographe, nous avons donc un intérêt pour l'espace et le territoire. Donc nous allons essayer de lier l'espace virtuel d'Internet et l'espace étudié par les géographes. Voilà. Donc notre unique intervenant de ce soir, monsieur Ovid Terminatien. Donc, c'est un géographe à l'UFR de Tours. Il est membre aussi du bureau de Citeré. Excusez-moi. Donc, c'est un laboratoire de recherche mixte. Il aborde des termes de recherche comme la gentrification, la politique patrimoniale ou encore les jeux vidéo. Pour toutes les infos supplémentaires, vous pouvez consulter le site de l'UFR, enfin, le site de l'UFR de Tours et aussi de l'UPT. Donc, je vous souhaite une agréable journée. Merci. Merci pour cette présentation. Merci à vous d'être aussi nombreux pour parler aujourd'hui de géographie d'Internet. Je tiens à préciser que moi-même, je suis pas particulièrement spécialiste d'Internet et des questions de cyberespace, que bien entendu je rencontre au cours de mes différents travaux sur les jeux vidéo. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui n'est pas tant un exposé ou un compte-rendu de mon approche personnelle ou de ma position personnelle ou de mes travaux personnels sur ces questions-là, mais plutôt, et c'est l'exercice sur lequel on s'était mis d'accord, de tenter de dresser un panorama le plus large possible, mais en même temps le plus précis possible, des différentes manières de travailler, de réfléchir en géographe, hein, avec les outils de la géographie, sur Internet et sur le cyberespace. Donc c'est plutôt ça que je vais essayer de faire ici, en une quarantaine de minutes, et à la suite de quoi on pourra discuter, on pourra débattre de tout ce que vous voulez. Alors je présente pas Internet, je refais pas l'historique d'Internet, Internet qui aujourd'hui existe depuis une quarantaine d'années, qui maintenant a pris une place très importante dans beaucoup de domaines de notre vie quotidienne. Nous lisons nos mails sur Internet, nous discutons avec des gens sur Internet, nous écoutons de la musique, regardons des films, des séries télé, nous travaillons même grâce à Internet, ou nous jouons à des jeux vidéo. Bref, Internet est utile dans beaucoup de domaines de nos activités professionnelles, culturelles, de loisirs ou personnelles. Par ailleurs, Internet est aujourd'hui aussi beaucoup disponible dans de nombreux endroits et sur de nombreux supports, que ce soit sur votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, bientôt les lunettes, même si les Google Glass ne marchent pas encore très bien, mais surtout dans différents endroits, dans différents lieux, chez soi, à la maison ou à l'université, dans des espaces publics. Alors évidemment, sur toutes ces choses-là, sur toutes ces transformations de la vie quotidienne et de la société via Internet et plus généralement via les technologies numériques, bon, c'est des choses qui ont déjà été beaucoup travaillées, sur lesquelles beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites sur la manière dont les technologies numériques ont révolutionné l'économie, la finance, mais aussi l'accès à l'information. Évidemment, ce qui nous intéresse ici, aujourd'hui, c'est dans tous ces écrits, dans tous ces travaux, toute cette pensée sur Internet et sur le numérique, qu'est-ce que les géographes vont bien pouvoir avoir d'intéressant à raconter sur ces espaces virtuels et sur Internet. Alors, je pourrais commencer tout de suite par la fin en disant mais oui, les géographes ont plein de choses passionnantes à raconter sur Internet. Je vais plutôt y aller progressivement, essayer de le démontrer par les différents travaux qui existent aujourd'hui sur Internet, que ce soit dans le monde francophone ou dans le monde anglo-saxon. Alors, évidemment, quand on dit je suis géographe, je travaille sur Internet, il y a tout de suite deux constats ou deux idées qui viennent à l'esprit. Alors, bon, déjà, il faut expliquer que quand on est géographe, on ne connaît pas par cœur les fleuves et les départements français, mais ça, vous le savez sans doute déjà. Si vous avez déjà tenté d'expliquer ce que vous faisiez à vos amis ou à vos camarades qui ne font pas de la géographie, mais particulièrement sur le cas d'Internet et du numérique, on se heurte à des difficultés supplémentaires. Alors, d'abord, le premier constat simple qu'on peut faire, c'est que, paradoxalement, le vocabulaire d'Internet et du cyberespace est largement investi du vocabulaire de la géographie. C'est-à-dire qu'on utilise des navigateurs Internet, on parle de cyberespace, on se rend sur des sites ou des forums qui sont autant de lieux de rencontre, voilà, sans parler de tous les mondes virtuels qui existent, des environnements numériques de travail, hein, l'ENT que vous utilisez, vous les étudiants, vous aussi enseignants à l'université. Voilà. Donc on a tout ce vocabulaire géographique en fait, qui est bien présent dans le domaine Internet. Et à côté de ce constat, il y a un préjugé ou un a priori qui vient tout de suite à l'esprit, qui est que Internet et plus généralement les mondes numériques sont des espaces virtuels. Souvent entendu dans le sens où ce ne sont des espaces qui ne sont pas réels, qui n'existent pas vraiment, ou qui ne sont pas matériels, qui ne sont pas matériellement présents. Et dès lors qu'ils ne sont pas matériellement présents, on ne voit pas très bien, a priori, ce que le géographe pourrait bien raconter, le géographe qui, lui, travaille plutôt sur des phénomènes spatialisables, des phénomènes matérialisables, tels que la ville, les espaces urbains, mais aussi les reliefs, les littoraux, les aménagements. Voilà. Beaucoup de choses ont également été dites sur le fait que Internet annonçait la mort ou la fin de la géographie, car il annonçait la fin de la distance. Il y a eu des travaux, notamment un célèbre article de Frédéric Lasserre en 2000, qui déconstruit, qui démontre complètement cette rhétorique. La rhétorique, c'était de dire, bah voilà, grâce à Internet, on peut être connecté partout quand on veut, quasiment quand on veut, et avoir accès quasiment immédiatement à l'information ou à d'autres personnes. Donc, il n'y a plus de distance. Donc, la géographie ne sert plus à rien, puisqu'il n'y a plus de distance, il n'y a plus ces discontinuités spatiales, ces frictions de l'espace. Alors, bien entendu, ces propositions sont fausses. Hein. Le fait que Internet a amené la mort ou la fin de la géographie ou la fin de la distance, que l'espace virtuel n'est pas vraiment réel, bon, ces propositions sont fausses, et j'espère bien arriver à le démontrer d'ici la fin de l'exposé. En fait, non seulement les géographes ont beaucoup de choses à dire sur Internet, mais ils ont sans doute des choses plus intéressantes à dire que simplement, bah oui, regardez, c'est bien de la géographie puisqu'on utilise un navigateur pour aller sur un site. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a bien d'intéressant à dire, nous, en tant que géographes, sur Internet ? Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver des cohérences, hein, des points de convergence parmi tous les travaux qui existent et qui sont nombreux, en réalité, depuis au moins 15 ou 20 ans, sur Internet, hein, des travaux de géographie. Hein, je me suis contenté de regarder ces travaux de géographie. Alors, j'ai essayé de trouver une cohérence dans tous ces travaux. Il me semble que, pour faire simple, il existe aujourd'hui trois approches possibles en géographie, en tout cas telles qu'on peut le voir si on s'intéresse un peu à des chercheurs qui travaillent sur la géographie d'Internet ou du cyberespace. Trois approches possibles. La première approche, c'est celle des chercheurs ou des géographes qui s'intéressent à Internet et qui pensent Internet comme un réseau. Autrement dit, qui travaillent sur des problématiques de localisation, d'accessibilité à Internet, mais aussi d'aménagement des territoires en lien à Internet. À côté de ce premier groupe de travaux, il y a un deuxième groupe de travaux qui a plutôt tendance à considérer Internet comme un espace, autrement dit, des travaux qui s'intéressent plutôt à des problématiques d'usage ou de pratique d'Internet, c'est-à-dire que font les gens avec Internet, quels sites visitent-ils, quels forums consultent-ils, quelles pages web, quel usage ont-ils d'Internet, avec qui, comment investissent-ils les mondes virtuels, les mondes numériques. Et puis, un troisième groupe de travaux, hein, de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, que je qualifierais d'approche qui considère Internet comme un ensemble de territoires. Et dans ces travaux-là, on trouvera beaucoup de travaux qui posent essentiellement des problématiques de géopolitique d'Internet, de cyberconflits ou de la manière dont les relations internationales peuvent se projeter dans le cyberespace. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est un peu de décliner ces trois approches pour vous montrer un peu justement les différentes problématiques géographiques qui peuvent s'accrocher à ces différentes approches et ce qu'on peut y trouver. Alors évidemment, dans le premier cas, donc Internet comme réseau, vous avez essentiellement, comme je l'ai dit, des travaux qui posent une question fondamentale, c'est où est Internet ? Où est Internet ? Internet, est-ce que c'est, pour reprendre la première image, est-ce que c'est les serveurs informatiques qui servent de stockage de données, hein, dans la photo d'en bas ? Est-ce que c'est l'ensemble des relations les liens qui existent entre les différents webs et qui sont cartographiés ici en haut à droite ? Ou bien est-ce que ce sont les mondes virtuels, et les plus geeks d'entre vous auront connu un extrait du film Matrix en haut à gauche, est-ce que Internet c'est ça, ce sont les mondes virtuels, et pas simplement les câbles ou les boîtes qui servent à stocker les ordinateurs qui font vivre Internet. Donc où est Internet, où sont les réseaux numériques? Et là on tombe en fait sur un premier réflexe de géographe, le géographe qui s'intéresse en premier lieu à la matérialité des objets, et qui donc du coup va regarder... Les réseaux numériques qui rendent possible justement l'utilisation d'Internet. Alors, vous avez donc pas mal de travaux qui s'intéressent à l'accessibilité d'Internet ou aux infrastructures liées à Internet. Là, j'ai juste mis une ou deux cartes qui sont vraiment très sommaires, hein, on aurait pu en prendre beaucoup d'autres. Des cartes, par exemple, sur l'accès à Internet dans le monde. Et donc là, on peut très facilement, en géographe, hein, mener une analyse géographique classique des inégalités d'accessibilité selon les pays, selon les continents. Pour ceux qui sont très loin, donc plus vous allez vers le vert, plus la proportion d'accessibilité est élevée. Au contraire, en bleu et en bleu ciel, notamment en Afrique, hein, ouais, je ne commande pas la carte, vous avez ici une accessibilité qui est assez réduite. Voilà. Donc là, on tombe sur des analyses classiques, des réflexes classiques de géographes. Regardez l'accessibilité, regardez aussi les infrastructures, hein, ça aussi c'est des travaux qui existent, c'est-à-dire les infrastructures d'Internet, concrètement où sont les câbles, où sont les réseaux, où sont les serveurs informatiques. Alors vous avez en haut par exemple une carte tirée de l'atelier de cartographie de Sciences Po, qui est une cartographie de tous les câbles sous-marins, hein, qui sont posés au fond des océans et qui permettent de faire transiter justement l'information numérique. Donc là, voilà, carte. Analyse de géographie classique, cartographie des réseaux, cartographie des infrastructures, qu'on peut décliner bien sûr à des échelles très différentes, à l'échelle par exemple continentale et non plus mondiale, en bas à droite, qui est la carte en fait du réseau Internet, enfin du réseau d'infrastructures d'une grande compagnie de télécommunications américaine, voilà, avec la localisation des principaux serveurs et les principaux liens entre ces serveurs. Voilà. Donc on peut faire cette cartographie d'Internet, on peut faire cette géographie d'Internet en s'interrogeant, voilà, sur l'accessibilité des espaces numériques, qui a accès à quoi, quelle qualité de service est proposée selon les territoires, selon les pays, il y a aussi pas mal de choses là-dessus, hein, qui sont dites, j'y reviendrai, sachant que bien entendu dans cet accès à Internet il y a des barrières, il y a des effets de discontinuité. Une première barrière, c'est par exemple le fait d'avoir accès à un ordinateur qui permet justement d'aller sur Internet. Mais il existe en fait beaucoup d'autres barrières. Par exemple, les abonnements payants, l'accès à certains sites, hein, que ce soit Netflix pour avoir des séries télévisées en direct ou des sites de jeux vidéo à abonnement payant. L'abonnement constitue bien une barrière, crée une discontinuité dans l'espace numérique, limite l'accès à certains usagers qui payent l'abonnement. La censure, bien entendu, est une forme de discontinuité introduite dans ces réseaux, qui bloque l'accès à certaines portions de l'information numérique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, avec Internet, on a toujours l'impression de révolutionner un peu la science. En réalité, ces questions d'accessibilité, d'infrastructure, elles sont loin d'être neuves. Et dès les années 70-80, la géographie des télécommunications, en fait, travaillait déjà sur ces questions-là. Alors, ce n'était pas Internet, c'était le téléphone. Mais on avait déjà des travaux. Hein, Henri Bacchis, par exemple, a travaillé au départ sur une géographie des télécommunications et d'accès au téléphone. On peut même remonter encore plus loin, dans les années 40 ou 50, où vous aviez déjà des travaux de géographie des journaux et géographie des distributions des journaux hein, en France, où j'ai trouvé des travaux sur la France ou les Pays-Bas, voilà, avec des travaux qui s'intéressent justement à l'aire d'influence des métropoles et qui essayent de mesurer l'aire d'influence des métropoles à partir d'un critère qui est la distribution des journaux et le nombre d'abonnés selon le territoire. Voilà. Donc il y a une continuité qui est tout à fait possible de faire entre ces travaux classiques portant sur des médias précédents et les travaux actuels, hein, contemporains, qui portent sur des médias, alors en apparence très novateurs, très nouveaux, mais au fond, de ce point de vue, ne renouvellent pas forcément beaucoup les problématiques. Voilà. Alors, un enjeu de société derrière ces travaux, derrière ces questions d'accessibilité, c'est la question des inégalités d'accessibilité, justement, la question des inégalités d'accessibilité à ce réseau que constitue Internet. Et là aussi, il y a beaucoup de travaux qui existent, prenant des critères très différents. Là, par exemple, Donc là, j'ai pris, par exemple, une carte d'accessibilité à la 4G en France, hein, donc le réseau 4G utilisable par... Enfin, sur lequel vos téléphones, si vous avez des téléphones récents, vous permettent de vous connecter pour avoir accès à Internet de manière relativement aisée. Le réseau 4G qui est déployé en France depuis un an ou deux, affiche des inégalités territoriales flagrantes. Hein, quand on voit, par exemple, ici le déploiement de la 4G en juillet 2014, un déploiement qui se fait essentiellement dans les agglomérations françaises. Et là encore, on peut mener des analyses à des échelles différentes. J'ai juste vérifié un chiffre cet après-midi même. L'accès à la 4G aujourd'hui, l'accessibilité à la 4G concerne en moyenne dans l'Union européenne 25% des habitants de l'Union européenne. Aux États-Unis, c'est plus de 90% des habitants des États-Unis qui ont accès à la 4G. Donc vous voyez, on voit bien ici se poser des questions d'accessibilité d'inégalité. Alors dans tout ce champ des travaux qui s'intéressent à Internet comme réseau, on peut, si on veut affiner, hein, si on veut un peu pinailler, faire une distinction entre d'un côté des travaux qui portent plutôt sur une géographie des infrastructures, hein, à l'exemple du déploiement de la 4G ou de ce type de carte. Des géographes comme Gabriel Dupuis à une époque a travaillé là-dessus, Henri Bacchis beaucoup également a travaillé là-dessus, voilà, qui eux s'intéressent vraiment à ces questions d'infrastructure. Où sont les infrastructures par qui sont-ils accessibles? Et puis il y a d'autres travaux qui s'intéressent plutôt aux usages, alors qui sont sans doute des travaux un peu plus récents. Je pense notamment à une thèse de géographie qui a été soutenue récemment, une thèse de Julie Fenchong, qui s'intéressait en fait à la mobilité des visiteurs étrangers dans l'agglomération parisienne, se demandant un peu, bon, quand les touristes, enfin pas seulement les touristes d'ailleurs, quand les visiteurs, donc aussi bien pour des motifs professionnels ou des motifs de loisirs, hein, de touristiques, se rendent dans l'agglomération parisienne, comment on peut arriver à cartographier leur déplacement à l'échelle de l'agglomération. Et en fait, pour cela, elle est passée par Internet, justement, elle est passée par l'accessibilité Internet. En fait, elle a tenté de cartographier leur déplacement à partir des différents points d'accès des téléphones mobiles qui sont déployés dans l'agglomération parisienne. En fait, pour faire simple, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a cartographié les différents antennes relais sur lesquelles les téléphones des visiteurs étaient connectés. Parce que quand vous vous déplacez, évidemment, vous passez c'est peut-être pas évident pour vous, mais quand vous vous déplacez avec votre téléphone mobile, quand il essaie d'accéder à Internet, bascule parfois d'une antenne relais à une autre. Et on peut ainsi, en cartographiant les déplacements d'une antenne relais à une autre antenne relais, retracer comme ça la mobilité des visiteurs selon les antennes relais sur lesquelles ils sont connectés. Et on peut ainsi retracer la mobilité de ces visiteurs à l'échelle de l'agglomération parisienne. Voilà, donc on a ce type de travaux assez inédits pour l'instant, enfin en tout cas pour l'instant pas dominant, mais qui s'intéressent vraiment à ces usages d'Internet et ce qu'on peut en dire. Voilà, sur des questions de mobilité, sur des questions d'appropriation des territoires. Voilà. Alors, bien entendu, sur ces questions d'usage, il y a un sujet récurrent, un débat de société récurrent, qui est la question de la fracture numérique. la question de la fracture numérique. Alors cette notion de fracture numérique, elle est assez discutée par beaucoup de chercheurs en géographie, mais aussi en sciences de l'information et de la communication. Je ne reviens pas sur les débats autour de la notion, mais simplement pour dire que ce qu'on entend par fracture numérique, c'est l'idée, un peu sur le modèle de la fracture sociale ou la fracture économique, c'est l'idée qu'il y a des gens qui ont un accès privilégié à Internet, au numérique, aux ressources du numérique, et d'autres qui en sont exclus. L'idée que certains sont bien dotés et d'autres sont mal dotés, qu'il existerait donc une fracture entre deux groupes, deux grands groupes de la société, française ou autre, entre ceux qui sont bien connectés et ceux qui sont mal connectés. Alors, en réalité, cette question de la fracture numérique, elle regroupe plusieurs dimensions. Évidemment, le fait de posséder un équipement qui permet d'aller sur Internet, en propre, chez soi, à domicile, rend plus facile l'accessibilité à Internet que lorsque vous êtes obligé d'aller sur Internet en allant dans un cybercafé ou simplement en vous connectant depuis l'université ou depuis un espace public. Mais il n'y a pas que simplement l'équipement qui crée la fracture numérique, il y a aussi la qualité de la connexion. Si vous êtes sur une connexion médiocre, vous aurez du mal à vous rendre sur des sites Internet où vous pouvez récupérer des documents lourds, des documents vidéo ou même papier qui sont lourds à télécharger, ça prendra du temps. En revanche, si vous avez une très bonne connexion, vous gagnerez du temps, vous irez plus vite. Et puis, au-delà de la qualité de la connexion et de l'équipement, il y a bien sûr les compétences. Tout à l'heure, on discutait justement de cette expression « digital natives », les natifs digitaux, qui soi-disant est censé désigner cette nouvelle génération d'usagers d'Internet. Voilà. Comme si maintenant, les jeunes générations savaient parfaitement utiliser Internet et les outils numériques. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Et on sait très bien que parmi la population française ou ailleurs, les gens ne savent pas utiliser Internet ou utilisent très mal Internet, ne savent pas chercher efficacement des données sur Internet. Voilà. Ce qui pose donc cette question des inégalités face au numérique. Voilà. Donc, ce qu'on voit à travers tous ces travaux sur les réseaux Internet, c'est que au fond, ici, les questions de géographie viennent renouveler des questions existantes, qui existent déjà, et portant sur différentes dimensions de la société. Au fond, étudier Internet comme un réseau, c'est reposer, mais différemment, avec des éléments différents, la question de l'aménagement des territoires, de l'accès à l'information, des inégalités sociales, des inégalités territoriales. Et ce que fait ici le géographe, c'est reposer ces questions fondamentales pour le géographe, et fondamentales dans le débat public, mais à l'aune justement de l'évolution des territoires et de nos usages des territoires via Internet et via les usages d'Internet. Voilà. Alors, rapidement sur cette première approche. Alors, sur la deuxième approche, donc, c'est-à-dire des travaux qui s'intéressent plutôt à Internet comme espace, on a ici beaucoup plus des travaux qui vont directement se confronter aux espaces en ligne, au monde numérique, au cyberespace. Donc des travaux qui s'intéressent moins aux infrastructures et beaucoup plus à ce qui se passe concrètement sur Internet, ce que font concrètement les usagers d'Internet, ce qu'ils font, sur quel site ils se rendent, quelles sont leurs habitudes, quels sites fréquentent-ils, quels espaces numériques fréquentent-ils, quelles interactions sociales aussi se créent autour des usages d'Internet. Alors là, globalement, la plupart tous les travaux montrent bien que la pratique Internet et les mondes numériques viennent ici modifier les espaces géographiques réels, entre guillemets, les espaces géographiques plus classiques ou réels, ou considérés comme plus réels ou matériels. Ce qu'on voit bien, très bien dans ces différents travaux, c'est qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale entre le cyberespace, les espaces virtuels, et les espaces réels. Et qu'au contraire, les individus, les usagers qui utilisent Internet sont bien à la fois présents dans l'espace réel et dans l'espace virtuel. Et que de ce point de vue, il y a plutôt une articulation entre les espaces réels et les espaces virtuels, et non pas une opposition. Je prends un exemple très trivial. Vous êtes devant la télévision en train de regarder une émission, vous commentez, vous êtes de cette émission avec les personnes avec qui vous regardez cette émission, mais vous pouvez être très bien en même temps sur Internet en train de discuter sur Facebook ou sur un autre réseau social avec d'autres personnes situées à distance. Donc vous êtes en train d'interagir avec deux univers sociaux différents, mais en même temps dans le même espace. Donc on a bien cette articulation entre espace réel et espace virtuel. prends un autre exemple trivial qui, j'espère, arrive très très peu. Vous êtes à l'université en train de suivre un cours passionnant de votre enseignant, mais en même temps, vous êtes en train de chatter sur Facebook ou vous êtes en train de jouer. Je dis que ça arrive très peu, j'en suis persuadé. Voire jamais, effectivement. Voilà, donc on est bien dans des situations très triviales, hein, dont nous sommes beaucoup sans doute à avoir fait l'expérience, d'articulation, de coprésence, à la fois dans l'espace réel et dans les espaces numériques, dans le cyberespace. Et beaucoup de travaux, de plus en plus de travaux, il faut s'en réjouir sans doute, de plus en plus de travaux de géographie justement s'intéressent à cette articulation entre les deux. Je pense notamment à un article récent sur lequel je suis tombé, là, il n'y a pas très longtemps, de plusieurs géographes, dont Nicolas Douay et Renaud Lebois, qui s'intéressent justement au contenu géoréférencé des utilisateurs de Facebook habitant, pour faire simple, dans le périurbain entre l'Île-de-France et la Picardie. Je dis pour faire simple. En gros, ce qu'ils ont regardé, c'est quelles étaient les informations spatiales, hein, quels étaient les lieux qui étaient géoréférencés, qui étaient postés sur Facebook, hein, soit par le biais de photos ou par de textes. Hein. En gros, de quoi parlaient les gens sur Facebook? De quel lieu de leur quotidien parlaient les gens sur Facebook qui habitent cet espace transitoire entre l'Île-de-France et la Picardie? Ils en arrivent ainsi à repérer ce qu'ils appellent des hauts lieux numériques, c'est-à-dire des lieux récurrents. Des lieux récurrents, soit parce que les gens les prennent souvent en photo, soit parce que beaucoup d'usagers les ont pris en photo ou en parlent dans leur message Facebook, donc des hauts lieux numériques, c'est-à-dire des lieux qui font sens pour les usagers, et c'est pour ça qu'ils en parlent souvent ou qu'ils postent souvent des photos, et qui en même temps créent, ou en tout cas signifient, accordent un sens particulier dans l'espace numérique. Donc on a ainsi des espaces qui sont bien des espaces réels, des lieux réels, mais qui... possède, qui en tout cas se voit octroyer un statut particulier dans le cyberespace. Dans un tout autre champ, je pense aux travaux de Thierry Joliveau, qui lui s'est beaucoup intéressé à tout ce qui était pratique cartographique en ligne, c'est-à-dire en pratique cartographique, pratique collaborative, c'est-à-dire des communautés d'usagers qui alimentent eux-mêmes des bases de données ou des bases de, que ce soit statistiques ou cartographiques, pour voilà, proposer une meilleure connaissance du territoire et l'offrir aux différents usagers. Voilà, l'offrir au grand public. Et donc, lui, ce qui l'intéresse, justement, c'est de regarder comment ces utilisateurs alimentent le cyberespace, hein, en fournissant des données, en produisant également un discours, hein, sur ces données ou ces représentations cartographiques, qui peuvent ensuite être saisies par d'autres utilisateurs pour alimenter d'autres discours. Voilà. On pourrait prendre encore un troisième exemple, qui est bien sûr celui des mondes vidéoludiques, des jeux en ligne, mais je pense qu'on s'éloignerait beaucoup, enfin on retomberait sur des choses dont j'ai déjà parlé, qui n'est pas forcément le lieu du débat ici. Bon, autour de ces questions-là, autour des usages et de l'articulation du cyberespace et des mondes réels, donc il y a beaucoup d'interrogations sur des questions de démocratie participative, hein, qu'est-ce qu'on en fait de ce cyberespace? Pour qui est-il accessible et qu'en font les usagers, les individus? Il y a aussi beaucoup de questions, hein, beaucoup de débats aujourd'hui de société sur l'accès à ces données, sur la privatisation aussi de ces données, le droit à l'anonymat, c'est-à-dire le fait de pouvoir être anonyme sur Internet et en même temps de respecter certaines propriétés de sa vie privée, donc on n'a pas envie de voir sur Internet. À ce titre, je cite un projet très récent qui a été lancé très récemment par la fondation Mozilla, vous savez, qui est la fondation qui a développé Mozilla Firefox, un navigateur que vous utilisez peut-être, qui est gratuit, un navigateur gratuit, et qui a lancé à la fin de l'année 2014 un projet dit Polaris. Et en fait, ce projet Polaris, c'est quoi? C'est un projet qui vise à encourager le développement d'outils qui permettent l'anonymat sur Internet ou la privatisation des données sur Internet. Alors, ça paraît complètement aberrant, hein, de dire il faut privatiser les données sur Internet. En fait, l'objectif de ce projet Polaris, c'est de lutter justement contre l'accaparement des données personnelles par des grands groupes, hein, pour ne pas citer Google, par des grands groupes qui savent maintenant beaucoup de choses sur notre vie, hein, qui savent vos goûts préférés en matière de loisirs ou de culture, voilà, par toutes les requêtes Internet que vous lancez sur Google, par les sites, chaque fois que vous consultez un site Internet, voilà, Google recueille, mais Google ou d'autres, hein, recueille des informations sur vous et ensuite prédétermine les publicités qu'il va vous envoyer ou les messages publicitaires. Voilà. Et donc contre cet accaparement des données, contre cette intrusion dans la vie privée, la Fondation Mozilla donc, a lancé ce projet Polaris, justement, pour, d'une certaine manière, recréer de la discontinuité entre les espaces réels et les espaces virtuels. recréer de la discontinuité entre votre présence dans le monde réel et ce que vous faites dans le monde réel et les traces que vous laissez dans les espaces réels. Alors, toujours autour de cette articulation espace réel, espace virtuel, cyberespace, pratique en ligne, les anglo-saxons sont un peu en avance sur nous, les anglo-saxons sont un peu en avance, et notamment deux géographes, Martin Dodge et Robert Kitchin, qui dès la fin des années 90, justement, s'intéressent à ce cyberespace et à la manière dont on pourrait qualifier ce cyberespace. Qu'est-ce qui se passe sur ce cyberespace? Comment le cyberespace, justement, s'entremêle avec les espaces réels? Donc, juste un ouvrage qui a fait date, hein, justement, dans ces questions, c'est l'Atlas du cyber, enfin, Atlas of Cyberspace, Atlas du cyberespace proposé par Martin Dodge et Rob Kitchin, qui est une tentative de cartographie d'Internet, mais sous différents domaines, qui est un peu vieux maintenant, 2001, je crois. Cartographie des infrastructures, cartographie des réseaux, mais aussi tentative de cartographie des relations entre les différents sites Internet. Et puis plus récemment, donc ça c'est plutôt l'issue de leurs travaux plus récents des années 2000, un ouvrage intitulé Code Space, un titre un peu énigmatique, qui est sorti en 2011. Alors en fait, dans cet ouvrage, ils font un peu la synthèse de différents travaux précédents menés depuis les années 90 sur la manière dont ce qu'ils appellent le code, c'est-à-dire en gros le code informatique, façonne les espaces géographiques. Alors ça paraît comme ça un peu incongru. Il y a un exemple très simple qui est la place boursière. Une place boursière, c'est bien un espace géographique, hein, ici Euronext, mais qui est complètement saturé du code informatique. C'est-à-dire qu'une place boursière, c'est quoi? C'est un lieu qui est directement connecté à d'autres places boursières via Internet, via les technologies numériques, donc sur lesquelles il y a un dialogue permanent, hein, quasi au micro-milliseconde, et tout le talent des traders, c'est justement de repérer ces micro-changements à des millièmes de seconde pour pouvoir faire des coups spéculatifs dessus. Donc, ce sont bien des espaces réels qui sont directement connectés à d'autres espaces réels via Internet, quasiment en temps réel. Et en fait, la particularité de ces espaces, comme les places boursières, c'est que sans code informatique, aujourd'hui, ces places boursières ne peuvent pas fonctionner. C'est-à-dire que si vous coupez l'électricité, il n'y a plus de transactions possibles. On ne va pas revenir au 19e siècle, au moment où les gens affichaient leur petit papier pour dire ce qu'ils voulaient acheter ou vendre. Voilà. La place boursière ne fonctionne plus. Et c'est bien cette interrelation, cette articulation entre le code informatique et l'espace que Martin Dodge et Rob Kitchin soulignent dans leurs travaux. Hein, le fait qu'il y a aujourd'hui désormais des espaces qui sont tellement saturés, des espaces géographiques réels, hein, tellement saturés de l'utilisation de l'informatique et du numérique, qu'ils ne peuvent plus s'en passer désormais. Ils prennent beaucoup l'exemple de l'aéroport. L'aéroport, c'est pareil. Aujourd'hui, sans informatique, l'aéroport ne peut pas fonctionner. Parce que les contrôles à la douane ne peuvent pas fonctionner, parce que le guidage des avions ne peut pas fonctionner, le repérage radio ou radar ne peuvent pas fonctionner, donc on ne peut pas faire décoller ou atterrir des avions. On ne peut même pas les remplir, puisqu'on ne peut pas vérifier sur les bases de données informatiques si les gens ont le droit de prendre l'avion ou pas. Hein. C'est un débat qui est revenu encore malheureusement récemment. Et à l'inverse, hein, ce qu'ils disent bien, c'est qu'il y a d'autres espaces qui, eux, peuvent fonctionner en partie sans code informatique. Le cas des cafés Starbucks, bon, on peut prendre Starbucks, mais on peut prendre d'autres choses, on peut prendre le McDonald's ou l'université même. C'est-à-dire des espaces dans lesquels il y a bien, l'informatique est bien présente. Vous avez du Wi-Fi, vous pouvez vous connecter si vous avez un petit ordinateur ou un téléphone, tout en prenant votre café. Voilà. Bon, si le Wi-Fi ne marche plus, ça ne vous empêche pas de continuer à prendre du café. Donc l'espace géographique continue à fonctionner, même en l'absence de code informatique. À l'université, nous arriverons à faire cours, même si on a une panne d'Internet. Hein, la semaine dernière, on a eu une panne d'Internet, ça ne nous a pas empêché de continuer à faire cours. L'université, donc, n'est pas complètement dans cette logique d'articulation, pas encore en tout cas, entre les espaces, entre le code informatique et les espaces géographiques. Alors, évidemment, toute la question que se pose hein, derrière l'enjeu social, le débat un peu moral que... éthique, je ne sais pas trop sur quel plan il faut le placer, que se posent Dodge et Kitchin, c'est de dire bon ben voilà, est-ce que là on n'a pas un danger? Est-ce qu'on ne va pas trop loin dans cette intrusion systématique de l'informatique dans les espaces géographiques? À partir du moment où on a des espaces géographiques qui ne peuvent plus fonctionner sans informatique et que par ailleurs nous sommes plutôt dans une logique de publicisation des données, c'est-à-dire que maintenant le respect, le droit à la vie privée pose problème, que se passe-t-il quand ça ne marche plus? Alors, quelqu'un a essayé d'apporter la réponse, c'est Bruce Willis. à cette question. Bruce Willis a tenté d'apporter une réponse à cette question hautement philosophique. Alors pour ceux qui ont vu ce très mauvais film Die Hard 4, qui est sorti en 2007, je rappelle juste simplement le fil conducteur du film. C'est quoi le fil conducteur du film? C'est qu'il y a un groupe, je vous dévoile, hein, c'est pas grave pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais vous ne regrettez pas grand chose. L'idée c'est qu'il y a un groupe de pirates informatiques qui ont décidé de mener ce qu'ils appellent une opération de liquidation. Ça consiste en fait à faire tomber complètement tous les systèmes informatiques aux États-Unis. Et ce qu'on voit dans le film, c'est que dès que le système informatique ne marche plus, bah, qu'est-ce qui se passe? Les feux tricolores ne marchent plus, donc c'est embouteillage en pagaille, c'est accident. La distribution de gaz et d'électricité ne marche plus, donc c'est coupure de courant, c'est blackout à une échelle continentale. Et bien entendu, les banques ne peuvent plus être surveillées, ne peuvent plus être protégées. Voilà. Et donc Bruce Willis, heureusement, a un jeune hacker informatique qui va l'aider un peu à chasser les méchants. Et heureusement, on peut rétablir le courant, on peut rétablir Internet. Et donc les espaces géographiques peuvent fonctionner à nouveau. Alors évidemment, en fait, cette question, elle n'est pas neuve. Hein. Cette articulation et ce danger de l'interpénétration entre les espaces réels et virtuels, elle n'est pas neuve. J'ai pris juste ici un exemple parmi d'autres, puisque c'est un film que j'aime bien, qui est un vieux film de 83, War Games, dans lequel un jeune, je crois qu'il est au lycée, rentre par erreur en contact, un jeune hacker rentre par erreur en contact avec l'ordinateur qui sert, enfin l'intelligence artificielle qui sert à piloter toute la défense nucléaire américaine, et en fait il lance par erreur une tentative, enfin les procédures de riposte graduelle en cas d'attaque nucléaire. Bon, je vous dévoile pas la fin. Voilà. Là-dessus, il y a toute une filmographie et toute une littérature de science-fiction justement sur ces questions et sur la manière dont on peut mettre en scène ces questions d'articulation entre espaces réel et espace virtuel. Voilà. Si vous voulez vraiment savoir plus, je pense qu'il faut inviter Henri Desbois, qui est un géographe de Nanterre, qui a beaucoup travaillé sur cette littérature de science-fiction. Voilà. Je vois que je commence à être un peu long. Alors, donc, à côté de Dodge et Kitchin, il y a d'autres géographes, hein, qui ont essayé de proposer justement une manière de conceptualiser cette articulation. Donc, eux proposent justement d'appeler ça code space. Un géographe comme Henri Backis, lui, propose plutôt le concept de géo-cyberespace, c'est-à-dire qu'en gros, il dit on n'a pas d'un côté l'espace géographique et de l'autre le cyberespace, on a plutôt au contraire aujourd'hui une articulation entre les deux, ce qu'on pourrait appeler le géo-cyberespace, c'est-à-dire un espace qui est hybride, à la fois géographique au sens classique du terme, et cyberspatial, c'est-à-dire qui est aussi virtuel, saturé de virtuel. Voilà. Je pense à un autre exemple, à un autre chercheur qui est Boris Baud, un autre géographe, hein, j'essaie de ne citer que des géographes, puisqu'on est dans un café géo. Boris Baud, qui lui aussi considère Internet comme un espace à part entière. Et il développe une notion, un concept qu'il appelle la synchorisation. La synchorisation, c'est un peu barbare, qu'il oppose à la synchronisation. Alors en gros, ce qu'il dit, c'est que la synchronisation, c'est le fait de faire les choses en même temps, hein, on est synchronisé, on est synchrone. La synchorisation, c'est le fait de faire les choses au même endroit, dans le même lieu. Hein. Synchronisation, synchorisation. Et c'est quoi Internet? C'est justement le lieu par excellence de la synchorisation. C'est le lieu où quasiment toutes les formes de coprésence sont possibles, enfin en tout cas qui permet une coprésence à l'infini ou quasiment à l'infini. C'est ce qui permet de faire les choses ensemble. Alors pas forcément parce qu'on est au même endroit, mais parce qu'on peut se coordonner. On peut se coordonner, on peut jouer en réseau à distance, on peut discuter à distance, voilà. Espace de la synchorisation. Alors évidemment, grâce au cyberespace, Internet permet de se rencontrer, de discuter, de jouer, de faire la paix, voire plus, mais il sert aussi, pour paraphraser Yves Lacoste, à faire la guerre, ce qui m'amène à mon troisième point, troisième approche, c'est-à-dire les travaux qui considèrent Internet comme un ensemble de territoires. En fait, dans cet ensemble de travaux, on voit très bien se dessiner toute une approche de la géographie d'Internet, qui est une approche très marquée par la géopolitique ou par l'analyse de la géographie des conflits. C'est-à-dire beaucoup de travaux qui se demandent comment Internet sert à faire la guerre, sert à mener des conflits, ou la place d'Internet dans les conflits, ou dans ce qu'on appelle aussi parfois les cyber-conflits. En fait, pour être encore plus précis, ces travaux ont tendance à prendre Internet comme un ensemble, comme constitué par un ensemble de territoires, c'est-à-dire un ensemble d'espaces appropriés, parfois militarisés, hein, défendus, attaqués, protégés, qui font l'objet de conflits. Et donc ce que montrent ces différents travaux, tous ces travaux, c'est qu'on est aujourd'hui, et beaucoup de gens qui travaillent sur Internet, notamment en géostratégie ou en cyberstratégie, indiquent qu'aujourd'hui on est plutôt dans une phase de territorialisation d'Internet, c'est-à-dire de découpage d'Internet entre de multiples territoires, soit sous le biais de censure, d'existence de barrières, de pare-feu à l'échelle nationale, ou alors de stratégies de cyberdéfense ou de cyberattaque. Et puis, ces dernières années, les journalistes ont beaucoup popularisé ce qu'ils appellent le darknet, qui serait un peu la face cachée d'Internet, c'est-à-dire Internet mais du mauvais côté, quoi, le côté obscur d'Internet, c'est-à-dire l'Internet des trafics, l'Internet de la criminalité, voilà, qui serait un peu l'équivalent de ce que Roger Brunet a appelé à un temps l'anti-monde, c'est-à-dire la face cachée du monde et la face cachée des processus de mondialisation. Voilà. Donc Internet aussi a son côté obscur, c'est le darknet. Voilà. En réalité, bon, il y a des ponts qui sont un peu plus nombreux, mais c'est, je m'attarde pas. Alors, dans tous ces travaux, je ne peux pas m'empêcher de citer un ouvrage, alors qui n'est pas un ouvrage de géographie, qui est un ouvrage d'une spécialiste en cyberdéfense et en cybersécurité, et qui a une intro, son ouvrage de 2009, ce qui porte sur la cybercriminalité, une intro que je trouve juste merveilleuse, parce que en fait, elle est juste le condensé parfaitement anxiogène de tous les discours qui visent à faire peur. Hein. Elle est spécialiste en cybersécurité, elle vend ses services qui visent à faire peur, qui visent à justement créer la suspicion, le doute sur ce que peut être Internet. C'est vraiment le début du bouquin. Hein. Le début du bouquin, ça commence comme ça. Citoyens détroussés, enfants en danger, entreprises ruinées, État menacé, les cybercriminels étendent leur emprise en même temps qu'Internet se développe. Nous ne les voyons pas, nous ne les connaissons pas, nous ne nous en méfions pas, et c'est leur force. Pour ça, nous sommes tous concernés. Enfin, voilà, on a l'impression qu'on a enfin, voilà, une espèce de délire un peu anxiogène et paranoïaque. Voilà. Il y a beaucoup de travaux, en fait, là-dessus, qui alimentent justement ce discours. Mais en même temps, ils sont intéressants parce qu'ils montrent bien à quoi peut servir aussi Internet. Alors, parmi tous ces travaux, j'en citerai peu, puisque... leur tourne. Ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est ce qu'on peut lire justement du côté de ce qu'on a appelé pendant longtemps l'école française de géopolitique, c'est-à-dire tous ces géographes qui s'intéressent à la géopolitique du monde et aux conflits dans le monde. Notamment une géographe qui s'appelle Frédéric Douzet, qui publiait déjà en 1997 un numéro d'Hérodote, hein, la revue Hérodote, hein, la revue de géopolitique, qui publiait déjà en 1997 un article qui s'intitulait « Internet géopolitise le monde ». Internet géopolitise le monde, hein, donc on est bien dans cette logique de territorialisation. Et elle disait, je cite, « À défaut de temporiser les conflits géopolitiques, l'Internet semble au contraire les multiplier et les compliquer. Hein, » donc c'était déjà ce qu'elle écrivait il y a 10 ans. Et en fait, aujourd'hui, on pourrait dire quasiment l'inverse. C'est-à-dire, quand Internet géopolitise le monde, on pourrait aujourd'hui dire l'inverse. C'est-à-dire, le monde géopolitise Internet. C'est-à-dire aujourd'hui, les États géopolitisent l'usage d'Internet en créant justement des stratégies de cyberdéfense, en développant des virus informatiques, hein, parfois financés par les gouvernements chinois ou américains ou autres, voilà, et ou en créant des discontinuités dans le cyberespace via les censures, via les restrictions d'accès à Internet, hein, comme ça a été notamment le cas pendant le printemps arabe. Un numéro beaucoup plus récent, un numéro de la NRIA, hein, de 2014, d'Hérodote, a justement été consacré un peu à ces questions de cyberespace et de géopolitique, et dans lesquels Frédéric Douzet, rappelle qu'aujourd'hui, le cyberespace, c'est à la fois un enjeu de rivalité de pouvoir, qui contrôlera le cyberespace, hein, qui arrivera à imposer ses normes technologiques, informatiques sur le cyberespace, mais le cyberespace, c'est aussi un théâtre d'affrontement, hein, le lieu où s'affrontent des cybercriminels et la cyberpolice, où des virus informatiques sont lancés contre des États ou contre des gouvernements ou des associations. Et le cyberespace est aussi devenu une arme parmi d'autres, dans des conflits géopolitiques. Et là aussi, il faut se méfier de l'opposition un peu trop facile entre d'un côté ce qui se passe dans le cyberespace et de l'autre ce qui se passe dans le monde réel. On a beaucoup d'exemples, hein, au cours de ces dernières années, 10-15 dernières années, qui montrent que les cyberconflits ne sont d'une certaine manière que le prolongement de conflits qui existent par ailleurs dans l'espace géographique. Le cyberespace n'est que le prolongement de rapports de force souvent préexistants et s'expliquant par d'autres logiques, hein, géopolitiques, économiques, qui débordent largement simplement la question du cyberespace. Et donc aujourd'hui, les stratèges, hein, les militaires, disent que le cyberespace, c'est le cinquième espace stratégique parmi les autres, que sont la Terre, hein, l'espace terrestre, l'espace maritime, l'espace aérien et la stratosphère, c'est-à-dire les satellites et les missiles longue portée. Voilà. Donc, le cyberespace, de ce point de vue-là, c'est un espace parmi d'autres de projection des rapports de force, de projection des conflits. Et là encore, le géographe peut mener donc une analyse de type géopolitique, d'analyse des rapports de force sur des conflits, comme il pourrait le faire sur des conflits plus classiques. Je prends un exemple, c'est une cartographie de la cyberguerre vue par les États-Unis, publiée dans un numéro récent en 2013 de Courrier International, qui est en fait la cartographie, alors vous voyez qu'il va dans les deux sens, du nombre de cyberattaques menées contre les États-Unis ou par les États-Unis vers d'autres pays. Et en fait, dans cette cartographie-là, vous retrouvez en fait des rapports de force assez classiques, hein, entre la Chine et les États-Unis, entre les États-Unis et la Russie, mais on retrouve aussi à une échelle régionale, hein, d'autres rapports de force, par exemple entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui sont ici, symbolisés ici, ou entre la Chine ou le Japon. Voilà. Donc, selon le nombre... Alors, il faut se méfier de ce type de cartes, hein, parce que ce sont des cartes en fait, qui cartographient le nombre de cyberattaques, mais pas forcément le nombre d'ordinateurs infectés ou d'ordinateurs concernés. Donc là, vous avez des flèches. Je dis ça, en fait, c'est pour être mauvaise langue. Vous avez des flèches très fines partant des États-Unis. Donc vous dites, ah bon, les États-Unis, finalement, ils sont plutôt bons acteurs, contrairement à la Chine. Vous voyez, bon nombre d'attaques, oui, d'accord. Mais là, c'est le nombre d'attaques, c'est pas forcément le nombre d'ordinateurs infectés. Quand on regarde le nombre d'ordinateurs infectés, en réalité, la cartographie est beaucoup plus complexe et on voit que les États-Unis ne sont pas en reste en termes de développement de virus informatiques. Voilà. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est l'exemple du virus Ghostnet, qui est en fait une opération qui a été dévoilée en 2009 et visiblement lancée depuis la Chine. Alors, ce qui est intéressant dans le cas des cyberconflits, c'est que on introduit là une ambiguïté fondamentale sur les acteurs du conflit. C'est-à-dire, bon, dans une déclaration de guerre classique, les acteurs sont assez facilement identifiables. Hein. Il y a ceux qui déclarent la guerre et ceux qui la subissent. Bon, sur beaucoup de conflits, les acteurs, les protagonistes des conflits sont assez aisément identifiables. Le cas de l'Ukraine aujourd'hui montre qu'on pourrait bien sûr donner des analyses plus subtiles. Dans le cas des cyberconflits ou des cyberattaques, justement, là se heurte le problème de l'origine de l'attaque et du commanditaire de l'attaque. C'est le cas notamment sur l'opération Ghostnet, lancée en 2009. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rapport de recherche mené par des chercheurs canadiens en 2009 qui ont révélé justement que beaucoup d'ordinateurs étaient infectés par un même virus. Donc qu'ils ont baptisé Ghostnet. Et puis assez curieusement, les ordinateurs concernés, pour la plupart, avaient tous un rapport plus ou moins proche avec le Dalai Lama. C'est-à-dire que c'était souvent des ordinateurs de délégation du Dalai Lama dans des pays étrangers qui étaient touchés, ou des ordinateurs situés au Tibet qui étaient touchés. Et puis autre coïncidence, beaucoup de ces attaques provenaient d'ordinateurs situés en Chine. Bon, mais de là à dire que c'est le gouvernement chinois qui a commandité des attaques, c'est là que justement l'analyse est plus compliquée. En fait, le discours officiel, c'est que ce sont des hackers, des pirates chinois qui ont agi un peu de manière autonome, hein, qui ont pris l'initiative de pirater des ordinateurs du réseau du Dalai Lama. Voilà, ce que dit le Dalai Lama, c'est que ces hackers chinois n'ont pas pu agir. Enfin, ce que dit en fait plus précisément ces chercheurs canadiens, c'est que ces hackers chinois n'auraient pas pu mener une opération d'une telle envergure sans l'appui justement du gouvernement chinois. Bon, les Américains ne sont pas en reste, hein, d'autres virus, mais je commence à être un peu long, ont été développés visiblement et reconnus a posteriori par le gouvernement américain dans le but précisément de cibler des adversaires traditionnels, classiques des États-Unis, notamment l'Iran. Ça a été le cas d'une opération lancée en 2008. Mais qui est en fait une reprise d'anciennes opérations, le virus Flame, qui visait à en fait pirater les ordinateurs qui servaient à piloter les centrifugeuses dans les sites d'enrichissement d'uranium en Iran. Voilà. Bon, alors manque de chance, en fait le virus est sorti d'Iran et ensuite a infecté, vous voyez, beaucoup de pays du Proche-Orient, hein, comme au moment de cette cartographie tirée d'un article de Rue 89. Voilà. Et c'est ainsi qu'on peut cartographier les virus informatiques, on peut cartographier les cyberattaques. Dernier exemple, et je m'arrêterai là-dessus. Alors évidemment, les États-Unis ont ensuite reconnu avoir développé ce virus Flame. On dit, bon, bah, on arrête, d'accord, on arrête, sauf qu'entre-temps, un autre virus a été lancé, qu'on ne voit pas très bien ici, qui est le virus Ghost, qui est la troisième colonne, en infectant des ordinateurs beaucoup plus nombreux. Donc, en fait, on ne sait pas trop à quoi sert ce virus. On sait qu'il existe, on sait qu'il touche beaucoup d'ordinateurs, mais l'objectif précis de ce virus, c'est pas très clair. Donc là aussi, vous voyez, quand on mène une analyse classique de géographie, on se heurte à des difficultés. On ne sait pas très bien à quoi il sert. Autant le virus Flame, on a fini par apprendre qu'il visait justement à retarder l'industrie de l'uranium en Iran. Là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc en conclusion de toutes ces approches, et je m'arrêterai là-dessus, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Internet est en passe de devenir un espace territorialisé, c'est-à-dire un espace découpé en de nombreux territoires, eux-mêmes protégés par des pare-feux, surveillés par les gouvernements. Et la France a mené, par exemple, en 2014, une opération test de résistance de ces réseaux informatiques, je sais plus, DefNet, je crois que ça s'appelait, menée en 2014. Il y aura une autre opération menée en mars 2015 pour tester justement la résistance des serveurs, enfin des réseaux informatiques militaires à des possibles cyberattaques, et a prévu de développer un centre d'études en Bretagne, justement, donc d'embaucher des gens pour réfléchir à développer des outils de ces cyberdéfenses. Voilà, j'étais un petit peu plus long que prévu, je m'arroche. Merci beaucoup. Donc maintenant que l'intervention a pris fin, libre à vous de poser vos questions afin de faire place au débat. Est-ce que c'est possible que vous mettiez en ligne les références que vous avez citées, par exemple, en Rodolphe, en Rodolphe, Oui, je peux constituer une petite bibliographie, oui. Qui sera, j'ai oublié de les préciser, évidemment pas exhaustive, hein, c'était pas l'enjeu de faire un. Mais je peux effectivement, oui, bien sûr. Je peux préparer une petite bibliographie indicative et non pas exhaustive. Moi j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle mondialisation ou pas? Une nouvelle mondialisation. En fait, la mondialisation contemporaine, elle a été rendue possible justement par l'informatisation et par le développement d'Internet. Donc je pense que si on est dans une nouvelle mondialisation, on y est déjà, en fait, depuis les années 70, on est déjà dans cette mondialisation. Quant à savoir si une nouvelle étape de la mondialisation sera possible avec un développement encore plus important, j'en doute en reprenant un argument de Frédéric Lasserre qui l'utilisait déjà en 2000 dans son article, qui est de dire bon, l'informatique c'est très bien, les transactions financières c'est très bien, mais à un moment donné il faut livrer les marchandises. Et même Amazon se pose la question de savoir comment justement améliorer la distribution des marchandises en utilisant des drones. Cette problématique du dernier kilomètre, hein, ce que les logisticiens, les transporteurs, les logistiques appellent la problématique du dernier kilomètre, Internet ne la résoudra pas. Il y a toujours un moment donné où il faudra bien distribuer les marchandises, transporter les gens, et donc cette logique d'une informatisation, d'une numérisation totale, elle ne résiste pas à la réalité. Donc je pense qu'on est plutôt dans le prolongement de ce qui se fait déjà que dans une rupture fondamentale. À mon avis, hein, mais bon, voilà. Oui, vous disiez en conclusion, ouais, que Internet s'est territorialisé. Est-ce que vous n'avez pas une connaissance de force, justement, qui voudrait revenir à l'origine où Internet est déterminatoire? Alors c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que moi le projet de Mozilla m'interpelle, c'est que effectivement il y a beaucoup d'associations à but non lucratif qui prônent cette ouverture d'Internet, c'est-à-dire disparition des censures, disparition des bannières, des barrières, pardon, et des groupes d'activistes, alors activistes avec un H-A-C-K, c'est-à-dire des activistes qui agissent sur Internet, prônent cette disparition des bannières, et groupe Anonymous se revendique aussi de cette logique qui est de dire, voilà, la liberté totale de circulation et de l'information, y compris d'ailleurs avec certains excès sur lesquels on peut s'interroger. Par exemple, rendre public des données personnelles sur des policiers ou sur des forces de police. Voilà. Mais il y a bien des groupes qui justement militent pour ça, pour cette ouverture totale, cette libre circulation totale de l'information et de la communication. Et en même temps, ce qu'on voit poindre depuis peu, en fait, c'est ces réflexions qui émanent justement de groupes comme la Fondation Mozilla, qui eux prônaient justement l'ouverture totale, qui est l'idée que même dans cette ouverture totale, cette ouverture totale ne peut pas se faire sans un minimum d'anonymisation et de respect des données privées. Donc, et je trouve ça intéressant que ce soit justement la Fondation Mozilla qui a prôné un logiciel libre, c'est-à-dire sur lesquels tout le monde peut mettre un peu la main, enfin, dès lors qu'il a un minimum de compétences informatiques, ou en tout cas les données sont disponibles, hein, c'est-à-dire le code informatique qui permet de développer Mozilla sont disponibles. Tout le monde peut, s'il le souhaite ou s'il le peut, développer des petits outils pour des petits modules qu'on rajoute à Internet, et que ce soit justement cette association-là, cette fondation-là qui milite pour, qui a ce discours justement sur la privatisation des données, je trouve ça assez intéressant et à mon avis assez symptomatique d'un discours qui devient de plus en plus complexe, quoi. D'un côté, circulation totale dans l'information, hein, accès libre pour tous, et de l'autre, contre les géants du web qui de plus en plus s'accaparent les données et accaparent des données sur la vie privée, respect de l'anonymat et une discontinuité plus marquée entre ce qui se passe sur Internet et notre vie personnelle réelle. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir où se localisent les serveurs. Alors, beaucoup de serveurs sont... les principaux serveurs, hein, parce que ce qu'on appelle les serveurs racines, pour la plupart, sont localisés aux États-Unis. Je crois qu'il y a, une quinzaine de serveurs racines, et il doit y en avoir 12 ou 13 aux États-Unis, mais qui s'expliquent pour des raisons historiques que je n'ai pas développées, qui est Internet est né aux États-Unis, et est né notamment, Internet est fils de l'armée américaine, en fait, des projets de recherche américains dans les années 50 et 60. Donc maintenant, la plupart des serveurs racines sont aux États-Unis, souvent dans des universités, et je crois qu'il doit y en avoir 2 ou 3 en Europe. Je crois qu'il y en a un en Angleterre, en Allemagne, je crois. Ouais, mais il y en a très peu, en fait, à l'échelle. Je crois que c'est une quinzaine, et dont 12 aux États-Unis. Il n'y en a pas, du coup, dans les pays du Sud. Après, il y a toute une hiérarchie technique, ouais. Les serveurs DNS, etc. Ouais. Ça, c'est vraiment les serveurs racines. Oui, effectivement. Mais quand on conçoit les réseaux, on fait la géographie. À ce propos, j'ai une anecdote, hein, d'un ami dont le frère travaille dans une boîte d'informatique, etc. Bon, qui est censé proposer des solutions cloud pour des entreprises, c'est-à-dire des solutions clés en main de déploiement de réseaux informatiques et de mise en commun d'ordinateurs dans des locaux différents. Et en fait, il travaille souvent, parce qu'il est du Sud, il travaille souvent avec des entreprises qui situées dans les Pyrénées. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on est bien obligé de prendre en compte aussi la géographie physique quand on prévoit des solutions informatiques, parce qu'à un moment donné, quand il y a une tempête de neige, les ordinateurs sont coupés du monde d'une certaine manière, donc on est obligé de penser des infrastructures qui peuvent quand même fonctionner de manière autonome, donc des serveurs locaux qui peuvent servir à maintenir ce réseau informatique. Mais quand on fait cette hiérarchie, donc là on est sur des exemples très localisés, mais quand on se fait cette hiérarchie, donc effectivement, des serveurs racines plutôt américains, enfin très, très localisés aux États-Unis, puis ensuite toute une panoplie de réseaux. On pourrait même aller plus loin, faire une cartographie des accords passés entre les grands opérateurs Internet pour pouvoir faire circuler l'information sur des réseaux différents. Parce qu'en fait, tous ces réseaux sont privés, appartiennent à des grands groupes et passent des accords entre eux pour pouvoir faire ci. Ce qu'ils ont tous, ils ne possèdent pas tous des tuyaux, des infrastructures, mais ils passent des accords pour faire passer l'information sur certains réseaux plutôt que d'autres. Oui ? Et est-ce que les personnes qui possèdent des serveurs, du coup, ont accès à l'information ? Normalement, c'est une bonne question. En partie, enfin, ils ont accès à certaines informations. Normalement, ils n'ont pas accès à toutes les informations qui relèvent de la vie privée. Mais en fait, la définition de la vie privée varie aussi d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, on a plutôt une définition assez large, assez molle de ce qu'est une donnée privée, ce qui n'est pas le cas en France. Donc en théorie, ils n'ont accès qu'aux informations qui ne relèvent pas strictement de la vie privée, mais avec un problème de définition de ce qu'est la vie privée. Et ce qui pose d'ailleurs problème dans tous les débats aujourd'hui sur l'open data, c'est-à-dire ces données qui sont censées être ouvertes, disponibles à tous. Parce qu'en fait, les grands groupes américains aujourd'hui sont propriétaires de beaucoup de bases de données accessibles, donc dans lesquelles il y a bien des données par rapport au droit américain, ne relève pas de la vie privée, mais qui pourtant porte sur des populations non américaines dans lesquelles la définition de la vie privée serait peut-être beaucoup plus stricte. Il y aurait une géographie du droit d'Internet à faire aussi. Je voudrais avoir votre avis sur, c'est pas exactement Internet, mais surtout les applications smartphones qui sont On entend beaucoup parler comme un marché de l'emploi d'avenir, tout le monde peut faire ça de chez lui. Enfin, là, c'est comment ça commence à y en avoir sur à peu près tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette augmentation sur la plupart sont liés à Internet et sur ce c'est un bon marché pour vous? C'est quelque chose qui va durer Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve ça bien, mais... Non. Qu'est-ce que j'en pense? Ce que je trouve intéressant, c'est que... Aujourd'hui, beaucoup d'outils sont disponibles pour développer ses propres applications. Et en fait, ça devient, il me semble, de plus en plus facile de développer ses propres outils, ses propres applications smartphone. Alors après, elles sont intéressantes ou pas, elles sont utiles aux autres ou pas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a cette possibilité, de ce point de vue, le développement informatique s'est beaucoup démocratisé. Et ce qui va avec, c'est le fait que justement, beaucoup aujourd'hui d'usagers peuvent se saisir de ces outils-là pour développer des démarches de collaboration, de participation, d'échange de données, de partage de la connaissance. Donc effectivement, moi, de ce point de vue, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est bien, effectivement. Avec le risque peut-être de voir des marchés émerger d'un côté le marché professionnel avec des outils assez performants, qui s'appuient sur beaucoup de données fiables, sérieuses, et puis un marché plus amateur, on va dire, avec des applications pas forcément très intéressantes ou pas forcément utiles. Mais malgré tout, cette démocratisation du développement informatique me semble plutôt une bonne chose. Pour revenir sur les lieux connectés, quand tu parlais de la bourse, etc., et notamment essayer de relier ça aux politiques publiques, en fait, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des travaux aujourd'hui qui utilisent la façon dont le déploiement du THD, par exemple, façonne les territoires? C'est bien une question stratégique. Oui, oui, oui. Dans toutes les autres régions aussi. Développer zone économique, alors est-ce qu'on a des travaux là-dessus qui étudient un peu plus justement la relation Internet aménagée? Et ma deuxième question, par rapport justement aux lieux très connectés, nous on a du Galien, on a été victime de cyberattaques, du coup on n'avait plus rien, plus Internet, plus serveur, et on s'est retrouvé vraiment dans le cas où on ne travaille plus, tout simplement. Et en même temps, on dit c'est pas bien, peut-être qu'on revienne à quelque chose d'un peu plus basique, mais on est aussi dans une dynamique de relier Internet aux questions de développement durable, et donc d'une dématérialisation de quasiment tous nos dossiers pour tout mettre en ligne, même sur des serveurs, etc., mais avec la problématique que. Grosso modo, où est-ce qu'il faut mettre le curseur entre. Le tout Internet et puis. Entre le tout Internet au niveau du développement durable, par exemple, si on peut en soi. Et est-ce qu'il y a aussi des travaux sur cette question? Alors, juste pour revenir à cette question, j'ai eu un témoignage aussi. Il y a des problèmes de dossiers médicaux qui sont numérisés maintenant. Donc là, dans le cabinet médical où je vais, dernièrement, un problème informatique. Et donc plus accès. Les médecins n'avaient plus accès aux dossiers. C'est ce que dénonce, c'est le risque que dénonce Dodge et Kitchen dans le code space, c'est ça. C'est, si même les cabinets médicaux, si on ne peut même plus vous soigner parce qu'on n'a plus accès à votre dossier médical, effectivement ça pose une question de dépendance excessive. Oui. Alors donc pour répondre à ta première question, alors oui, aujourd'hui il y a des politiques public d'aménagement numérique du territoire qui sont très forts, qui sont très ambitieuses et qui sont effectivement, je crois que c'est 20 milliards d'euros le plan France très haut débit, c'est-à-dire le plan la politique publique qui vise aujourd'hui à doter d'ici 2022, je crois 95% du territoire français en très haut débit, enfin de vraiment de tête. Donc je crois que c'est 20 milliards d'euros de budget. Et donc le corollaire, c'est qu'il y a effectivement des travaux de géographie sur l'aménagement numérique du territoire, dont Bakis, mais dont d'autres, Charlotte Human par exemple, que je n'ai pas cité effectivement. Alors, ce qu'on voit bien, c'est qu'aujourd'hui, Internet, c'est un outil de marketing territorial. C'est-à-dire que développer Internet, développer le très haut débit sur son territoire, c'est évidemment une manière de promouvoir une image dynamique, une image contemporaine ancrée dans la modernité, enfin dans la contemporainité de ces territoires. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, comme dans beaucoup de cas, on voit qu'en fait les logiques ici viennent renforcer des logiques métropolitaines préexistantes. C'est-à-dire, pour le dire autrement, globalement, c'est les métropoles qui ont le plus de moyens et qui ont déjà les moyens de faire du marketing territorial qui ont les moyens de mener des politiques de développement numérique, enfin, du numérique ambitieux. Donc on a ici des logiques d'entraînement, hein, des effets boule de neige, hein, de rétroaction positive sur ces questions-là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a effectivement tout un discours un peu optimiste, un peu techniciste sur... qui consiste à dire bah, si on met Internet dans les zones économiques, les zones d'activité, ça va relancer la croissance économique, ça va relancer la compétitivité des industries françaises. Les géographes sont assez mesurés quand même hein, sur ces effets structurants du numérique sur les territoires économiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a Internet que ça va développer la croissance économique. Et même sur des questions sociales, on a ces problématiques-là. Margot Beauchamp, par exemple, lorsqu'elle travaille sur la fracture numérique, elle montre bien que, en fait, la mise en avant du numérique vient renforcer des logiques d'inégalité territoriale préexistantes. Et qu'en fait, plus on met l'accent sur le numérique et plus on met l'accent sur la nécessité d'avoir accès à Internet, plus on creuse le fossé entre des populations qui sont déjà en situation de difficulté socio-économique et qui en plus se voient confrontées à de nouveaux obstacles qui est l'accès au numérique. Moi, je prends un exemple souvent en cours, je le reprendrai demain sur mon cours en licence 2, qui est que maintenant, quand on recherche un emploi, quand on recherche un logement, on est de plus en plus confronté à la nécessité d'aller chercher sur Internet l'information pour un logement ou un emploi si on est très rapidement dépassé. Enfin, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui consultent les petites annonces pour trouver un logement en location. Peut-être, hein, mais je serais curieux de voir le retour d'expérience. Or, pour des populations qui ont déjà du mal à se loger, qui ont déjà du mal à trouver du travail... à qui on demande en plus de désormais passer par Internet et qui par ailleurs ne les utilisent pas, en fait, on les met dans des situations dans des situations où en fait on double les inégalités sociales avec des inégalités du numérique. Donc voilà, donc les géographes sont assez mesurés sur les effets structurants, les causalités déterministes. On amène le numérique, donc ça va développer l'économie, donc ça va résoudre les inégalités sociales. Sur la deuxième question, bon, là aussi, hein, il faut être mesuré, il faut effectivement trouver le bon endroit où mettre le curseur. Alors, c'est un peu passé de mode, mais il y a quand même, à l'époque, pas mal d'articles de presse ou de travaux. Il y a eu des travaux, je crois que c'est Pierre Dufour, enfin bon, je ne sais plus, je retrouve le nom, en fait, qui interrogeait justement les conséquences en matière de consommation énergétique de la numérisation. Et en fait... Le grand enjeu du 21e siècle, en lien avec le développement d'Internet et la numérisation, c'est l'explosion de la consommation électrique. L'explosion de la consommation électrique. Et Google, aujourd'hui, investit dans des centrales nucléaires et investit dans des centrales à charbon en Chine. Donc, d'un côté, on dit, bah oui, c'est bien, la numérisation permet effectivement de limiter les déplacements ou l'envoi de documents, donc réduit l'empreinte carbone, pour faire simple, des populations ou des professionnels. Mais d'un autre côté, ça fait augmenter considérablement les postes de dépenses énergétiques en lien à l'informatique. Et c'est aussi des questions qui se posent dans le domaine de la construction et de l'architecture. Maintenant qu'on a plus ou moins cadré, les questions d'économie d'énergie en matière de chauffage, ce qu'on voit poindre dans la construction et dans le logement, c'est l'explosion de la consommation énergétique liée aux équipements informatiques et liée aux équipements multimédia. Télévision, ordinateur, box, console de jeu, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc effectivement, il ne faut pas verser dans l'idéal qui consiste à dire c'est numérique, c'est dématérialisé, donc c'est du développement durable. En fait, c'est loin d'être. Parler tout à l'heure des conflits entre États, ce genre de choses. Moi, je me pose la question si la dématérialisation systématique de certains dossiers, que ce soit au niveau des États ou des entreprises, pouvait pas poser de réels problèmes dans le cadre de la sécurité intérieure ou pour les entreprises de se faire voler des données, etc. Parce que là, c'est la réalité. Et du coup, est-ce que cette dématérialisation systématique des données, est-ce que c'est pas un peu ouvrir la boîte de Pandore en fait ? Si, si, effectivement, enfin, on voit bien, oui, la question du cyberespionnage est un vrai enjeu économique. Mais aussi du cyberespionnage politique, hein, on l'a bien vu avec l'affaire Wikileaks, ça c'est typiquement le cas. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, on voit bien à un moment donné quand même que. Dans le cas de cyberconflit, l'arme informatique ne suffit pas. Sinon, les séparatistes pro-russes bombarderaient pas l'aéroport de Donetsk, bombarderaient pas les villes ukrainiennes. Quoi. S'il suffisait de lancer des virus informatiques pour faire tomber l'administration locale. De même que les États-Unis, peut-être qu'à un moment donné, ils se sont posé la question, mais ne se contentent pas de développer des virus informatiques pour limiter... Justement, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une réelle rétroactivité sur le terrain ensuite? Ben si, je pense, oui, au contraire, je pense que justement c'est bien la preuve qu'il y a nécessairement une articulation et qu'il y a nécessairement des impacts sur les territoires et sur les espaces réels. Même en cas de cyberespionnage, ça a bien un effet sur les territoires. Alors que ce soit. Il y a un exemple. C'est trop compliqué. Dans le cadre de l'espionnage économique, ça peut avoir des effets. Par exemple, une perte de dynamisme économique d'une entreprise dont on a révélé un peu la stratégie à moyen terme. Donc avec possiblement des effets sur l'emploi, donc avec des retombées économiques négatives sur les territoires. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que finalement, en fait, la fragilité de l'Internet mondial, elle ne serait pas due à la centralisation du réseau qui est en fait localisé dans plusieurs serveurs? Est-ce que la solution ne serait pas de passer à un autre modèle qui serait un réseau maillé où chacun posséderait une partie d'Internet? En fait, c'est déjà le cas. Internet, au départ, a justement été conçu comme un réseau décentralisé. Quand les Américains, dans les années 50, se demandent, financent le développement d'Internet, c'est justement en se demandant, en cas d'attaque nucléaire aux États-Unis, comment on fait pour continuer à communiquer? Comment on fait pour continuer à coordonner les armées, transmettre les ordres? Et pour cela, il faut absolument avoir un système de communication décentralisé qui fait que même s'il y a un centre qui est attaqué, l'information continue à circuler parce que les autres centres préexistent. Donc en fait, dès le départ, c'est un peu ce que... Mais on voit très mal. Hein. C'est la carte, le schéma que vous avez, que j'avais mis juste au début, là. Le schéma que vous avez en bas, c'est le schéma d'ARPANET. ARPANET qui est le réseau, précurseur d'Internet, hein, développé par les Américains. Et voyez, il y a des flèches partout, quoi. Il y a des flèches dans tous les sens, ce qui fait que même si vous attaquez un des centres, en fait, l'information est censée quand même pouvoir continuer à circuler. Donc le réseau est déjà décentralisé. Le réseau est déjà partagé entre des grands opérateurs qui possèdent une portion des infrastructures, entre des grands acteurs du web qui possèdent une portion des sites web ou des outils qui sont proposés. La problématique, donc, ce n'est pas tellement la décentralisation des infrastructures, c'est plutôt, encore une fois, l'accès aux données, la libre circulation des données et les discontinuités qui existent dans le cyberespace. Oui. Dans les années 70, on disait qu'on transporterait de moins en moins les hommes, on transporterait l'information. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui s'est vérifié? Alors, peut-être l'information qu'on transporte, quel est l'intérêt d'une partie importante de l'information qu'on transporte? Alors, en fait, effectivement, c'est ce qu'on disait, et ça s'est avéré faux, c'est-à-dire qu'on n'a jamais transporté autant de gens qu'aujourd'hui. Quoi. Au contraire, les mobilités se sont accrues. Elles se sont sans doute diversifiées, hein, mobilité professionnelle, loisirs, etc. Et en fait, ce qu'on constate ici, et c'est en ça que les notions de géocyberespace ou de synchronisation sont intéressantes, c'est que Internet a plutôt eu tendance à favoriser justement de nouvelles interactions sociales, de nouvelles mobilités, de nouveaux déplacements. Alors, en créant des inégalités, de nouvelles inégalités, ou en renforçant certaines inégalités, mais globalement, elle a plutôt eu tendance à favoriser les gens. Donc de plus en plus d'échanges, des situations très triviales, qui est qu'aujourd'hui, on utilise Internet, par exemple, pour mieux planifier son déplacement, ou vérifier les horaires de ciné, pour savoir si on va sortir, justement, pour aller au cinéma, ou vérifier les horaires d'un restaurant. Donc là, Internet, au contraire, favorise de nouveaux déplacements. De même pour la circulation de l'information. Effectivement, Internet permet la circulation différente d'informations, donc dématérialisée et plus rapide, mais elle ne se substitue pas complètement à la circulation de certains types d'informations. Et Frédéric Lasserre le notait déjà dans son article de 2000, qui est qu'à un moment donné, dans les entreprises, dans le monde économique, la nécessité du face-à-face, de l'entretien en face-à-face, reste toujours valable. C'est-à-dire que vous avez beau faire circuler les contrats, les propositions de contrat, les propositions d'offre, à un moment donné, les gens ont besoin de se rencontrer, même pour finaliser le contrat. Ils ont ce souci de devoir en face-à-face se rencontrer. Et ce qui est assez amusant, c'est quand on lit, l'ouvrage de Saskia Sassen sur les villes globales, à l'aune justement du développement d'Internet. Parce qu'en fait, Saskia Sassen, elle travaille sur Internet d'une certaine manière. Quand elle dit, on a certaines villes parmi d'autres qui se développent, qui prennent un poids économique croissant, fonction de commandement croissante, qui sont les villes mondiales, les villes globales, Paris, New York, Tokyo. En fait, elle dit bien que ce qui rend possible cet accroissement, c'est à la fois le développement d'Internet, donc la capacité de projection des entreprises, des sièges sociaux qui sont situés dans ces villes-là à pouvoir commander des usines, des filiales partout dans le monde, mais en même temps la nécessité de rapprochement physique de différents acteurs économiques du monde de la finance, du monde des entreprises, etc., dans des lieux. Sinon, on aurait des sièges sociaux partout. Mais pourquoi on a des sièges sociaux, ou pourquoi il y a une telle concentration de sièges sociaux dans certains lieux, dans certaines agglomérations et pas ailleurs? Parce qu'on a bien des effets de contexte, on a bien des effets de milieu économique, de milieu politique qui sont favorables justement à certains types d'activités. Alors, je ne sais pas si je réponds. Ça marche pareil de notre travail dans la vie de tous les jours. Le rassemblement Charlie qui a eu il n'y a pas si longtemps, on voit bien que l'appel sur Internet, oui, virtuel, a amené dans le réel, Ouais. Simplement, tout comme les rassemblements Facebook. Oui, ou le printemps arabe. Voilà. Mais il y aurait sans doute, il y aurait quand même eu un printemps arabe, même sans Facebook et même sans les réseaux sociaux. Mais effectivement, oui. Mais justement, alors le cas des Anonymous pour ça est très intéressant. C'est-à-dire que on a un peu parfois l'image, enfin je ne sais pas si c'est votre cas, mais on a parfois un peu l'image que les Anonymous n'agissent que sur Internet, que sur le cyberespace, justement en mettant à jour des carnets d'adresses, des informations privées, ou alors en menant des cyberattaques. Mais les Anonymous, ils organisent aussi des manifestations physiques. Donc dans le cas de Charlie Hebdo, effectivement, ils ont menacé d'attaquer des sites islamistes. Je ne sais pas s'il y aura des manifestations. Mais l'une des premières actions qu'avait menées Anonymous, c'était contre l'église de Scientologie. Et en fait, c'est une action, donc je crois que c'est 2005, enfin autour au milieu des années 2000. Et en fait, dans leurs actions, il y avait à la fois la révélation d'un certain nombre de documents internes de l'église de Scientologie, notamment des vidéos qui montraient qui montraient un peu les techniques de lavage de cerveau qui étaient employées dans l'église de Scientologie, donc qui étaient mises à jour, qui étaient circulées, hein, qui circulaient sur Internet pour dénoncer ce qui se passait réellement dans les églises, enfin au sein de l'église de Scientologie, mais aussi avec des manifestations physiques devant les églises elles-mêmes, parce qu'il y avait bien ce besoin de marquer l'espace physique, de marquer l'espace public par sa présence et de manifester physiquement dans l'espace public. Et de même, comme tu dis, les rassemblements de Charlie Hebdo, ils étaient là bien pour montrer, parce que marquer physiquement l'espace, c'est marquer un engagement qui va plus loin que simplement poster "je suis Charlie" sur son compte Twitter ou sur son compte Facebook. Mais en même temps, donc l'outil rend possible de nouvelles formes d'interaction dans l'espace, donc rend possible la synchronisation, agir ensemble, mais ne se substitue pas complètement. Il élargit le champ des possibles, mais sans se substituer complètement. Et alors, au niveau de la relation individuelle à l'espace, le fait d'avoir accès aux informations qui enrichissent l'expérience individuelle d'être dehors, de voir le patrimoine, de voir des éléments de l'environnement en ayant des informations extérieures, est-ce que ça a déjà changé notre relation sur l'espace individuel, ou est-ce que là, il y a quelque chose qui va se passer encore plus? Si je peux permettre de demander. Alors, je vais me faire le devin, je vais le garder dedans. Sans doute qu'on ira encore plus loin. Sans doute qu'on ira encore plus loin dans notre capacité à s'approprier nos espaces proches, nos espaces du quotidien. En fait, je pense que ce que permet Internet et ce que montre l'article de Nicolas Douet, de Renaud Lebois et de leurs deux collègues dont j'ai oublié le nom, c'est la capacité à mettre en scène son territoire et son espace proche, qui est peut-être une rupture par rapport à une période précédente, cette capacité à mettre en scène, à rendre public son attachement à des lieux, son attachement à des territoires, mais si on sort du cadre de la géographie, son attachement aussi à des loisirs ou à des pratiques, ou ses goûts, quoi. Mais c'est aussi les goûts spatiaux d'une certaine manière. Donc cette capacité à rendre public son attachement au territoire, son sentiment d'appartenance, je pense que là, effectivement, on a sans doute un effet d'innovation, hein, qui est majeur, hein, lié à Internet. La capacité à mieux connaître aussi son territoire. Mais là-dessus, moi, je serais très curieux de savoir, d'avoir des études fines, je ne sais pas si elles existent, justement, sur le fait de savoir si, oui ou non, des usagers d'Internet connaissent mieux la vie politique locale, connaissent mieux leurs élus, connaissent mieux la réalité économique de leur territoire. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il en est concrètement. Et si on arrive à faire ce type d'études, alors oui, on pourra dire que effectivement, on ira encore plus loin. Je pense que s'il n'y a pas la curiosité, qu'il y ait Internet ou pas, s'il n'y a pas cette appétence pour connaître son territoire, qu'il y ait Internet ou pas, à mon avis, ça ne change pas. Oui, c'était pour rebondir sur la relation entre mobilisation, manifestation, révolution et puis les réseaux sociaux que tu évoquais tout à l'heure. Dans le cadre de la révolution égyptienne, effectivement, ce que tu disais, la révolution tunisienne et égyptienne aurait peut-être lieu sans les réseaux sociaux, sans Internet. Probablement, peut-être, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense que la rupture, le changement, c'est la territorialisation des mobilisations permises par les réseaux sociaux. Et à la minute même, via les réseaux sociaux, le fait que les manifestants sachent que la police, l'armée est dans telle rue, qu'il va les prendre en telle autre rue, etc. Cette rapidité des connexions, elle est tout à fait extraordinaire. Fait que Osmoun Barak l'a compris, puisque pendant deux jours, il a coupé. Et en fait, c'était la grosse erreur qu'il a fait, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de cette colère. Couper les téléphones portables, couper les réseaux sociaux, c'était vraiment la chose à faire, et ça a mis, voilà, ça a encore plus lancé, enlumé les relations entre les uns et les autres. Donc il y a probablement beaucoup d'analyses à faire sur. Entre ce qui s'est passé en Turquie, le Somme, l'Arabe, et puis l'autre, enfin, le Bosnie, etc. Et je ne sais pas si du coup, tu connais des travaux là-dessus, des gens qui. Oui, je pense. Ces mobilisations précisément. Non, mais tu as entièrement raison. Moi, si tu veux, c'est. Ma réserve, c'est effectivement sur le fait que on lit parfois que la révolution. Les révolutions arabes sont nées des réseaux sociaux, ils sont nés de. C'est en fait faire fi du contexte historique, c'est faire fi des mobilisations préexistantes. Mais le fait que désormais Internet, on va dire au sens large, les réseaux sociaux soient désormais une arme au service des mobilisations, et c'est tout à fait vrai. Moi je parlerais même d'armes asymétriques. C'est-à-dire c'est l'arme du petit contre les armes du David contre Goliath, quoi. Mais c'est plein de petits David contre le grand Goliath. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une logique d'asymétrie, ce qui n'est pas le cas des conflits traditionnels où c'est une armée contre une armée. Donc les sociologues ont un peu travaillé sur ces questions-là. Alors ce que pour l'anecdote. Pendant justement la révolution égyptienne, il y a des hackers suédois, je crois, qui sont dépêchés, justement précipités, pour se rendre en Égypte avec du vieux matériel, des vieux modems, pour pouvoir rebrancher justement le réseau et pour pouvoir refaire circuler l'information et le faire sortir d'Égypte, justement pour dire à l'extérieur, regardez ce qui se passe en Égypte, faire circuler. Donc c'est quand même, c'est effectivement un vrai enjeu de médiatisation du conflit. Y a-t-il d'autres questions? Non. On tient à vous remercier en tout cas de votre écoute. On vous remercie aussi. Merci à vous pour l'invitation.